force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Ton identité a changé depuis le jour où tu as donné ta vie à Jésus. La Bible dit que tu es non seulement fils de Dieu, fille de Dieu, tu es co-héritier avec Christ, héritier de Dieu. Pourquoi as-tu peur de demander de grandes choses à Dieu, comme si ton Dieu était pauvre? Dieu est capable d'accorder de grandes bénédictions, mais toi tu demandes toujours de petites choses. Il faut changer de mentalité. Réveille-toi, réveille ton voisin, réveille ton épouse, réveille ton mari. Nous allons prier. Nous sommes à OSB, opération sous la brèche. Jonas chapitre 1, versets 1 à 16. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSB. Lisons Jonas chapitre 1, 1 à 16. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffa, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya les prix des transports et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur les navires, afin de se les rendre plus légers. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il leur avait déclaré. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne les purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas, et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel, et firent des vœux. Amen. Nous allons partager trois vérités qui vont conduire nos prières d'aujourd'hui. Voici la première vérité. Ne cherchons pas à fuir la face de l'Éternel. Ne cherchons pas à fuir notre responsabilité. Je veux parler à quelqu'un, écoute-moi bien. Dieu t'a appelé au ministère et toi tu es en train de fuir le travail que tu fais là. Tu as commencé à faire commerce là, tu vois que ton commerce ne marche pas. Dieu t'a appelé à le servir. On t'a donné une responsabilité. Le Seigneur veut t'utiliser pour gagner, pour ramener à lui les âmes perdues. Mais toi, tu es en train de fuir. Tu t'encombres avec beaucoup d'autres choses. Tu t'encombres. Je vais parler à quelqu'un. Oui, tu vois même, tu es dans un travail où tu vas de mission à mission. Mais regarde, examine bien ce que tu fais là. Depuis que tu es là, tu n'avances même pas. Tu es toujours au même niveau. C'est parce que tu es en train de fuir la face de Dieu. Je vais te dire, tant que tu n'accepteras pas la mission que Dieu t'a donnée, tu vas voir que ce que tu fais ne marchera pas. Est-ce que tu comprends? Regardez le cas de Jonas ici. Le texte dit, la parole de l'Éternel lui fit adresser à Jonas en ce mot, « Lève-toi, va à Ninive. » L'ordre de Dieu était précis. Dieu lui dit de se lever. Vous voyez, premier verbe, « Lève-toi ». Deuxième verbe, va à Ninive. C'est-à-dire, la destination est bien précise. Quand Dieu te dit, lève-toi, va à l'école biblique, va à l'institut biblique, lève-toi, va évangéliser dans tel endroit. Mon ami, il faut obéir. Tout ce que tu vas commencer à chercher à faire, des excuses là, ça ne va pas marcher. Regardez Jonas, ce qu'il a fait. Dieu l'envoie d'aller à Ninive pour crier contre elle parce que les habitants étaient méchants. Ils avaient besoin de la prédication, de l'évangile. C'était des gens méchants. Oui, aujourd'hui, nous avons encore beaucoup de gens qui vivent dans la méchanceté. Ils ont besoin de quelqu'un que Dieu va utiliser pour prêcher l'évangile. Mais Jonas, au verset 3, il dit, Jonas se leva pour s'enfuir. Vous voyez, s'enfuir. Mon ami, ma sœur, tu es en train de fuir l'Éternel. Il va te rattraper pour s'enfuir à Tarsis. Je vais dire à quelqu'un la destination. Tu es sur un bateau. Le bateau sur lequel tu te trouves là, ce n'est pas le bateau que Dieu a choisi pour toi. Il te dit d'aller à Ninive. À Ninive, ça dit qu'il faut obéir là où lui-même t'envoie. Mais toi, tu prends le bateau de Tarsis. Si tu es sur le bateau de Tarsis là, tout ce que tu vas faire ne va pas réussir. Est-ce que tu comprends? Deuxième vérité. Lorsque nous fuyons l'Éternel, il va faire souffler un vent, une tempête pour nous ramener à l'ordre. Souvent, lorsque nous voyons un vent, nous voyons des situations, nous disons c'est le diable. Ce n'est pas tout que le diable fait. Parfois, il faut laisser le diable tranquille. Parfois, il y a des tempêtes, c'est Dieu lui-même qui est à la base de ça. Parce que toi, tu es en train de le fuir. Il veut te ramener à l'ordre. Regardez ce qui est dit ici. Verset 4. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. C'est-à-dire un vent qui te bouscule. Toi, tu comptais fuir l'Éternel. Je vais parler à quelqu'un. Tu comptais sur ton commerce. L'Éternel t'a appelé autre chose. Mais toi, tu dis non, moi, je vais faire autre chose. Dieu va faire souffler un vent. Ton capital, là, ton entreprise, là, même va basculer. Et toi, tu vas commencer à dire, je lis les démons, je lis l'esprit de pauvreté. Non, ce n'est pas ça. C'est parce que tu n'es pas dans la bonne destination. Tu as fui Dieu. Tu n'obéis pas à Dieu. Et c'est Dieu maintenant qui fait souffler ce vent. Les problèmes que tu connais maintenant, la difficulté que tu connais au niveau de ton travail, les problèmes que tu connais maintenant même dans ta famille, c'est le vent que Dieu lui-même fait souffler sur toi. Tu vois, on dit, les navires menaçaient de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Vous voyez ce que Dieu fait? Non seulement Dieu fait souffler les vents, même les circonstances que Dieu permet là. Ça fait que Jonas là ne pouvait plus continuer sa route. Il y a un moment donné, lorsque tu cherches à fuir Dieu, il va te créer lui-même des bateaux sur les roues, de telle sorte que ce que tu vas faire là ne va pas aboutir jusqu'à ce que tu comprennes, tu te repentes. Est-ce que tu comprends? Regardez, première chose, Dieu fait souffler les vents. Deuxièmement, même les circonstances ont rattrapé Jonas. C'est-à-dire que les gens commençaient à prier, chacun son Dieu. Il y a des gens qui faisaient des incantations. Ils ont compris que non, ça c'était un problème spirituel. Chacun commençait à prier son Dieu. Mais là encore, Jonas, au lieu de prier son Dieu, là, il va dormir profondément jusqu'à ce que le pilote l'interpelle. Je vais dire à quelqu'un, est-ce que tu comprends? Quand tu fous la face de Dieu là, Dieu va utiliser même un païen pour te parler. Il va te dire, toi là, il faut prier ton Dieu, non? Jusqu'à ce que le pilote là, on dit le verset 6, le pilote s'approcha de lui et lui dit, pourquoi dors-tu? Lève-toi! Invoque ton Dieu, bien-aimé. C'est-à-dire que même dans des situations, ta famille vit des situations difficiles. Ton entreprise, là où tu vis des situations difficiles et tu t'entêtes. Jusqu'à ce que les autres, même les voisins, vont commencer à te dire, mais toi là, lève-toi, il faut prier ton Dieu, non? Il faut prier ton Jésus. Mais pour, tu es en train de dormir. Et puis, autre circonstance, c'est que les gens ont décidé de faire le tirage au sort. Et le sort a montré que le porte-malheur, c'est Jonas. Mon ami, tu ne peux pas fuir la face de Dieu. C'est-à-dire que même les circonstances là, ça va te rattraper. Tu ne peux pas fuir. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Lorsque nous fuyons la face de Dieu, nous devenons des sources de malheur. C'est-à-dire que partout où tu vas là-bas, les choses vont se gâter. à telle enseigne que les gens vont commencer à dire c'est à cause de toi que ça se gâte. Tu vas aller dans une entreprise pour travailler là. Et tu vas voir que tu vas commettre une gaffe. Hein? On t'envoie là-bas comme comptable. Là. L'entreprise a toujours marché. Mais dès qu'on t'a pris là-bas, on dit que non, on a volé. Il y a des... Les résultats deviennent négatifs. Donc c'est à cause de toi parce que tu n'es pas à la bonne place. Au lieu d'être une source de bénédiction, tu deviens une source de malheur. Il faut réfléchir un peu, comprendre que tu n'es pas à la bonne place parce que tu es dans le bateau de Tarsis. Il faut descendre de ce bateau pour revenir dans le bateau de Ninive. C'est à Ninive que Dieu te dit, va à Ninive. Troisième vérité, pour que la tempête divine se calme là, il y a deux choses ici qu'il fallait faire. D'abord, il fallait invoquer l'Éternel. Les gens ont compris. Il y a ceux qui invoquaient leur Dieu, il y a ceux qui invoquaient peut-être les dieux des eaux, des forêts. C'est comme aujourd'hui. Je vais parler à quelqu'un. Tu as des situations que tu vis. Tu as essayé d'aller chez les marabouts, tu as essayé de voir, d'aller de secte en secte, on t'a laver avec de l'eau, on t'a donné des bougies, tu es parti voir des prophètes, tu es parti voir un papa, hein, il t'a lavé avec de l'eau, tu as donné l'argent plus de 100 000 francs, mais ta situation ne change pas. Comprends que ta situation ne changera que quand tu tourneras vers le vrai Dieu. Il s'appelle Yahvé, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, la Bible nous dit, verset 14, « Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Vous voyez, ça c'est la première chose. La deuxième chose, il fallait ôter celui qui était la source de malheur, c'est-à-dire Jonas là. Il fallait l'enlever. La Bible nous dit au verset 15, « Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. » Et la fureur de la mer s'apaisa. Et lui-même, Jonas, il savait que c'était lui le porte-malheur. Il a suggéré cela. Il fallait ôter. Nous avons parfois des Jonas dans nos maisons, c'est-à-dire des sources de malheur. Je vais dire à quelqu'un, écoute-moi bien. Si dans votre maison, vous avez pris peut-être une servante ou bien une jeune fille, peut-être sans la vie de l'Éternel, une personne que vous prenez dans votre maison, sans prier l'Éternel, surtout sans l'unité entre monsieur et madame, peut devenir une source de malheur, peut devenir un Jonas. Tant que vous ne vous décidez pas de l'ôter, le malheur là, la situation que vous vivez ne va pas finir. Il y a des décisions qui sont parfois difficiles à prendre, mais si telle est la volonté de Dieu pour que le malheur s'éloigne de vous, il faut le faire. C'est quand ils ont pris Jonas, ils l'ont jeté dans la mer, on dit la fureur de la mer s'apaisa. Parce que ce qu'ils ont fait, c'était la volonté de Dieu. Quand c'est que tu fais la volonté de Dieu là, même si les hommes parlent, mais au moins tu as obéi à l'Éternel. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons dire merci à Dieu pour toutes ces paroles. Nous allons chanter ces cantiques. Nous allons chanter ce chant qui dit, Seigneur, nous approchons de toi. Yahweh Tobelemi. Disposez vos cœurs. Entrez dans la présence du Seigneur. Yahweh Tobelemi. Bembeni na Yahweh. Yamba masandoli. To bonzeli yowe, omo ito pesa na yowe, mite ma posa na yowe. E yawe, umama, papa telema na kembo, kati na biso, yaka mosungi na bato, to beleli yowe, omo ito pesa na yowe. Mite ma posa na yowe, e yawe, kumama, kolo bongina lokumu, yonde mosantu, ozali kolo na nyonso, libanga na talo, omo ito pesa na yowe, mite ma posa na yowe, e yawe. Kumama, loboko na yo yanguya, e yawe, esala kati na biso, na kombo na Yesu, babeli babika, bakanga mi bakanga mwa, e yawe, kumama, yawe tobele mi. Meni na yowe, yamba masandoli, to bonzeli yowe, bomoi to pensa na yowe, mitema posa na yowe. Yawe, u mama, papa telema na kembo, kati na biso, yaka mosungi na bato, to beleli yowe. Omoi to pesa na yowe, mitema posa na yowe. Yawe, u mama, kolo bongina lokumu, yonde mosantu, oza likolo na nyonso, libanga na talo, omoi to pesa na yowe, mitema posa na yowe. Yawe, kumama, loboko na yo yanguya. Yawe, esala kati na biso, na kombo na Yesu, babeli babika, bakangami bakangama. Yawe, kumama. Gloire au Seigneur. Élevons nos voix. Bénissons l'Éternel. Il est le Dieu merveilleux. Il est le Dieu de gloire qui ne change pas. Je te bénis, Éternel, notre Dieu, toi le Dieu des délivrances. Ô sois magnifié, toi le seul vrai Dieu. Ô sois magnifié, notre Seigneur, toi le Dieu digne d'être loué, digne d'être exalté, digne d'être magnifié, digne d'être adoré, digne d'être élevé, digne d'être célébré. Oui, tu es celui qui nous délivre de nos ennemis et de tous ceux qui nous haïssent. Oh, sois magnifié, notre Dieu, notre Père, toi le Dieu tout-puissant, le Dieu incomparable, le seul vrai Dieu. En dehors de toi, il n'y a point de Dieu. C'est pourquoi nous t'élèvons en ce moment, nous te glorifions. Toi le Dieu vivant, le Dieu véritable et la vie éternelle. Nous bénissons ton nom en ce moment et nous voulons te prier de pouvoir nous aider à marcher et agir avec fermeté et à te glorifier jour après jour. Toi, le Dieu, digne d'être glorifié, digne d'être exalté, reçois en ce moment l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière que nous appelons OSB, un acronyme qui veut dire Opération sous la brèche. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site web www.radiofréquentevie.com. Le passage du jour, c'est Jonas 1, 1 à 16. Nous venons de voir que nous ne devons pas fuir l'Éternel. Lorsque tu cherches à fuir l'Éternel, ça ne va pas. Obéissons. Jonas, Dieu lui a demandé d'aller à Ninive. Mais lui, il a payé les tickets pour prendre un autre bateau. Nous allons prier pour tous ceux qui ont fui l'Éternel ou qui sont en train de fuir. C'est-à-dire qu'ils fuient leurs responsabilités. Ils ne veulent pas accepter la mission que Dieu leur confie. Prions pour qu'ils puissent se repentir. Prie pour toi-même. Peut-être que tu es dans le même cas. Dis, Seigneur, je vais t'obéir. Je ne vais pas ressembler à Jonas au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. Ô Dieu, mon âme te remercie, mon âme te bénit. Merci parce que tu as un plan pour chacun de nous. Tu as une vision pour chacun de nous. Et c'est de notre responsabilité de découvrir cette vision, ce plan, ta volonté pour l'accomplir afin que nous puissions vivre une vie glorieuse, une vie de succès, une vie de grâce, une vie de bonheur, une vie réelle, pleine de faveur de ta part. Mais voilà qu'aujourd'hui, Seigneur, nous voulons nous détourner de ta volonté. Et beaucoup sont aujourd'hui des Jonas. Après avoir entendu ta voix, après avoir entendu ta volonté, le but pour lequel ils sont nés, ou bien même le but qui a été révélé pour leur vie, ont fui et continuent de fuir et continuent de se détourner de ton plan, de ta volonté. Je prie, Papa, que toutes ces personnes reviennent à toi. Merci, Saint-Esprit, de les convaincre. Merci de les toucher. Merci, Papa, de les saisir dans leur fuite et qu'elles se répandent. Elles renoncent à leur voie qui ne mène pas à la destinée de leur vie. Merci, parce qu'il y a un chemin pour que la gloire apparaisse. Merci de faire ramener cette personne dans le chemin à venir, dans la direction divine, dans ta pensée, et qu'elle prenne ce chemin, et qu'il prenne ce chemin pour aller, pour avancer avec toi par la puissance du Saint-Esprit, pour que les merveilles, les signes et les prodiges les accompagnent. Merci de te manifester dans la vie de ce genre de personnes, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir que lorsque nous fuyons Dieu, il y a des malheurs qui peuvent arriver, que Dieu lui-même permet. C'est Dieu qui a soufflé le vent. Les circonstances même peuvent nous rattraper. Jusqu'à ce qu'on a fait le tirage au sort et on a découvert que c'était Jonas qui est devenu la source de malheur. Est-ce que le problème que tu vis dans ton foyer, mon frère, est-ce que n'es-tu pas la source de malheur? Regarde, parce que tu as désobéi. Regarde comment tous tes enfants deviennent malades. Est-ce n'est pas toi la source de malheur parce que tu as désobéi à l'Éternel? Est-ce que la situation que tu vis dans ton ministère, dans ton église, homme de Dieu, servant de Dieu, est-ce n'est pas toi-même qui es la source de ce malheur-là? L'église est en train de se vider. Répands-toi pour que l'Éternel, pour que la fureur puisse se calmer. Prions l'Éternel pour qu'il puisse nous aider à nous repentir, afin que nous ne soyons plus des sources de malheur et que nous soyons des sources de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Nous croyons à ta parole. Nous croyons à ce que tu dis dans ta parole. Seigneur, merci ce matin pour ce rappel. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu n'as jamais changé. Tu veux le bonheur de tes enfants et non le malheur. C'est pourquoi tu as dit, je connais les projets que j'ai formulés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. N'as-tu pas dit dans Apocalypse 2 à partir du verset 4, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je reviendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place à moins que tu ne te répandes. C'est la vérité. Quelquefois, nous ne comprenons pas. nous minimisons, nous oublions de nous repentir. On se pend, on croit qu'on est une superstar, que rien ne peut nous atteindre. On est aussi au-dessus de tout homme. Or que nous sommes enfants de Dieu, nous avons été rachetés par le sang de l'agneau et nous avons besoin de repentance. Nous avons besoin de confession. Nous avons besoin de demander pardon à Dieu. Nous avons besoin d'humilité. Tu veux l'obéissance et non les sacrifices. Nous voulons t'obéir ce matin. Nous voulons nous soumettre à ta parole. Nous soumettre à l'Esprit de Dieu. Sois béni, Seigneur, parce que tu nous aimes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir que la tempête ne pouvait se calmer que lorsque les gens invoquèrent le vrai Dieu, l'Éternel. Et lorsqu'ils ont ôté celui qui était la source de malheur, il fallait jeter Jonas dans la mer. Tu vas prier Dieu. Peut-être que tu as cherché des solutions par-ci, par-là. Toi qui te dis même chrétien, tu es parti voir Marabout pour chercher la solution. Repends-toi. Invoque le vrai Dieu. Et puis il faut ôter la source de malheur. Peut-être que tu as fétiche. Peut-être que tu as sémé quelque chose dans ta vie qui est comme une source de malheur. Il faut enlever ça. Jusqu'à ce que tu aies enlevé cela, c'est alors que la fureur de l'Éternel va se calmer. Prions l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Merci et merci parce que tu es un bon père, tu es un véritable Dieu, tu ne changes pas, ta parole est immuable, ta parole est la vérité. Ce matin encore, comme le prophète Jérémie dit dans Jérémie 1 verset 4 à 5, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sortas de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète pour les nations. Seigneur, nous sommes de toi. Nous sommes nés en toi. Et nous sommes nés pour te servir. Nous sommes nés avec toi pour faire ton œuvre. Voilà que nous nous sommes détournés de tes voies. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes lois. Ce matin, papa, aie pitié de nous. Sanctifie-nous. Je prie que ton esprit nous convainc de péché. Convainc quelqu'un de jugement et de justice. Et que cette personne renonce à ses canaries, à ses gris-gris. Comme Jérémie encore, il s'est rappelé qu'il y avait des forteresses dans la maison de son père. Il les a battues, il les a détruites. Seigneur, ce matin, donne-nous de détruire, d'abattre les péchés mignons. Donne-nous d'abattre les méchancetés de nos cœurs, d'abattre les gris-gris, les œuvres malsaines, le manque de foi, l'incrédulité. Merci de nous aider. Merci de nous fortifier. Merci de prendre avant de ton œuvre, afin que chaque jour nous soyons des hommes et des femmes dignes de ton nom. Gloire à toi pour la sainteté, pour la sanctification et pour la joie que tu mets dans notre cœur de te servir au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons que nous aurons notre rencontre bonheur conjugal pour le couple marié dimanche prochain, 17 janvier. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. À demain. À nous la puissance, par son bras puissant.